Yeah. Elle monte petit à petit, c'est tout ce que mon cœur peut dire. J'adopte le visage triste de ceux qui ne peuvent que fuir. Quand je la domine, le masque s'obstine car elle veut revenir. Elle veut me retenir, à elle, elle veut pas que je me retire. Elle veut se sentir en moi, elle veut ressentir l'angoisse. Tant de poisse, elle est passée dire au bon sens tu rentres pas. Même quand je la cache derrière les rideaux, sa voix ne fait qu'enfler. On rêve de la gérer mais il faut savoir la fréquenter. Elle s'insinue en 5 minutes, agressive plus sans qu'un virus. Si tu tes principes pour que t'agisses et que les gens n'insistent plus. Ainsi tu penses en pitbull. Tu veux des tonnes de chair qui souffrent ou becter les jeux injectés de sang comme Chéri You. Ton crâne craque, elle est partout dans ce rap, je te merde. J'ai l'impression, elle me dit quand tu frappes, je t'aime. Elle est partout dans ce rap, je te merde. J'ai l'impression, elle me dit quand tu frappes, je t'aime. T'as plus ta blouse à protection, malédiction, mais sous pression. L'impression que je mets dans mes rimes chaque jour qui passe. T'as grillé le plan de secours, t'es face à l'agression. Choqué, impressionné, la pression maîtrise l'essence, le souffle. Le pire est dans le jeu double, tes âmes déçoivent. Ne sois plus naïf et sage quand une once de vérité relance le doute. J'estime et pense que tout, les prières se réalisent. J'dors, fais des rêves où mes ennemis se déguisent et dansent le zouk. J'ai mis des gants de velours pour une attaque sournoise. Tu ne vois pas la foudre, sa patte, voilà pourquoi t'es figé quand je te shoot. J'ai lifté le centre de Goumar, j'ai pris de l'essence de bouge. Attends que la prod pour la plier comme un billet de banque se roule. J'suis vivant, j'veux me faire ma place. Vivement que le message passe, ceux qui pensent que je vais pas me battre ou me défiler, splendide de bouc. Elle rend coup pour coup, elle mêle ta faiblesse, l'exalte. Elle a tout pour nous faire perdre la tête, c'est exact. Tu laisses croître et naître cette garce. Bizarre défaite de mes basses, mais des fois répète cette phrase, histoire de faire le ménage. Elle est partout dans ce rap, je te merde. J'ai l'impression, elle me dit quand tu frappes, je t'aime. Elle est partout dans ce rap, je te merde. J'ai l'impression, elle me dit quand tu frappes, je t'aime. Laisse-moi passer, gars, j'ai enfermé quelques bouches, bien sûr. Éclater les wacks et faire claquer des coups de ceinture, quoi. Rassure-toi, on cause de grosses fractures. Absurde mais prudent, appelle ça des gosses matures. J'assume la pression quotidienne, mais dans ma tête ça fume plus qu'une cheminée. Quand les soucis viennent, je dois éviter les saloperies qui traînent. Combat le stress et la pression, y'a des moyens très longs. Bouge la tête si t'aimes, ou alors coupe, y'a pas de blême. La pente est raide et nous du genre à la dévaler pour que ça passe crème. Les gars changeront pas le rap, mais non. En face, on voit qu'ils disent oublier. J'attends seulement qu'ils le fassent vraiment. Comme ton père, lâche des trempes. Tirez pas des gueules pareilles, on vous avait déjà prévenu bien avant que ça se déclenche. Essayez de pas de méprendre. Sur le message et les idées, je gratte et je repars. Médite et quand le mic se débranche. Rap sur les prudents, appelle ça des grosses matures. Elle est partout dans ce rap, je te merde. J'ai l'impression. T'as besoin de protection, malédiction, mais sous pression. T'as besoin de protection, malédiction.